sur son lit maudit. L'herbe est fragile, le couvre-feu les a balayés. Tes yeux sont couleur pierre, dans la dentelle, butine des ouvrières. Septième ciel. La sueur.